and Dinoweb. Think to visit. Qu'on a oublié, qu'on était fait pour vivre ensemble. J'ai bien l'impression qu'on a oublié, qu'on était là pour se comprendre. J'ai bien l'impression qu'on a oublié, qu'on était fait pour vivre ensemble. J'ai bien l'impression qu'on a oublié. C'est toujours les mêmes coups de couteau et ragots dans le dos les uns des autres. Trop de mal à se tendre la main, ce serait si simple d'arrêter de se vautrer. Dans le mal et le péché, dans la méfiance et les préjugés, il est temps d'apprendre à faire le premier pas sans attendre que l'on vienne pour nous sortir de là. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était fait pour vivre ensemble. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était là pour se comprendre, pour donner de l'amour, tu sais. Je ne suis plus prêt à attendre, j'ai bien trop longtemps attendu déjà. Je me demande où est le mode d'emploi, il faut que j'aille l'acheter ou bien faut que j'aille le chercher. Pourquoi on communique pas? Je me demande comment on va enfin pouvoir s'assumer, comment enfin pouvoir se supporter. On n'arrive même plus à se regarder, on n'arrive même plus à se parler, à se respirer, oh, dans la même pièce, tu sais. Je me demande comment on va enfin pouvoir se rencontrer si on ne sait plus s'arrêter. Nana, mais nos vies roulent sans freiner. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était fait pour vivre ensemble. J'ai bien l'impression qu'on sont obligés d'isoler leurs sentiments, leurs émotions pour se protéger. Et c'est la méfiance qui règne, mais c'est nos cœurs qui saignent. On fait grandir nos peines, et la peur coule dans nos veines, et la peur coule dans nos veines. Non, non, mais qu'est-ce qui nous engraine? Oh, oh. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était fait pour vivre. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était là pour se comprendre. J'ai bien l'impression qu'on a oublié qu'on était fait pour vivre ensemble. J'ai bien l'impression qu'on a oublié. Son anniversaire. jeunesse. Triste jeunesse. Sois plus intelligent, Youth, sois plus intelligent. Et moi je vais encore une fois faire le premier pas pour ne plus jamais nous voir. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, Tu veux, on se voit. diamant, sa belle fréquence fière, mettre chalet et douceur, pas déranger ni la vie ni des moments lourds, complètement lourds. gratter, ouais, ouais. Mais pour se tenir, oh, ouais, yeah. La maman toujours, ouais, on goût, t'es belle, la mamolie, pour traverser en l'eau, rivière. solution. C'est l'amour en prison. Ouais, mais sur toute la vie, je sais réfléchir pour trouver une solution pour nous vivre dans nos passions. Thank you. viens à chercher soleil. Moi qui fais mille et mille folies pour faire plaisir. Et moi qui gourmet pour nous toujours bien. S'il faut moins crier l'unité, moi qui fais dans mon entier. De novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua. A nossa, a rádio de todos nós. Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Love. confiance. Pour l'amour, on n'est pas tombé. Après mauvaise et à deux, pour découvrir qui m'en aille, en paré mettre ma genou, pour espimer l'amour moins doux. Oh, va tomber, coloré l'arc-en-ciel, la vie en main. La calme, content, content, compte et puis vite. Il pose ses branches pour parler d'amour. Thank you.

Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Somebody stop me. Click, click, crack, on a Nazi. Fun Liberace. God, yeah, you're too big, yeah, if you watch me. Never catch me. Rockin' sashi, rampant mashi. Hurry up, somebody stop me. Before me done the party, I resort to karate. Kick you with a lyric on my carte. Bring it on, everything that you can hit. But if not, let me do my thing. Cause I got the whole world listen to the style that I bring. I'm physical and lies in the ring. Never try to diss another nigga with the trigger in the end. You ain't the only player in the game. Cause life is detrimental if you try to push your finger in the play. I send this one straight to your brain. Alright, don't cross me, try walk past me. Don't mix me, some boy nasty. More money than the Beyonce. Trigger hard on the track and somebody stole it. Fish get fry in the kitchen. Chicken get jerk on the grill. Me name them food them from no one till. So for something I'm gonna name Cheryl, no way. What does it up in a team team? Don't why I can't quote me that. You know, I'm long as well it. Create a big girl, me now go turn both yet. Y'all go with more. That no in a took them religion. Tell them how to buy money. I don't come to me that. Yes, me dan. Feel up all the rest them when you sneak on. Tell them I'll watch. I'm wanna dub. Sin a packet and me take a fit. Sin a moment movie cafe. Listen me this one take a fit. I wanna dub. To mona me be fin pedi shit. To mona me be sick. She be sese mona me keep a village. I wanna dub. Me a packet and mono show my show. Come at mona da cash. Hose no see this shit. I gash. I wanna dub. The dope it is a book. I wanna take me be show. Fe a ka a woman me pass a book. I wanna dub. Yo obi she cause we la show. La be ma woe. Once me de la show. Once me de la woe. Once me de la show. I wanna dub. Good boy. Cafe yo pass it. Put it bad boy. Cause yes get a limit bad boy. What a dub. Told on it to whisk cafe yo maki. What a dub. Se posa yo tida sin a soda she. I wanna dub. Depende yon ke fila yo kepe ti. I wanna dub. Oh. Que ta cousine Gabriella, c'est toi que je veux aussi, tel jeudi par ici là. Tu pourrais suivre comme le miel ou le Nutella. J'aime ton body, toi tu es ma Cinderella. Steve, quand tu vois pour moi tout seul dans ta villa. Yo, laisse-moi explorer ta pom pom pom. Laisse-moi m'infiltrer dans ta pom pom pom. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom pom pom pom pom pom pom. Yo, laisse-moi explorer ta pom pom pom. Yo, laisse-moi rentrer dans ta pom pom pom. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est ta pom pom pom. C'est ta pom pom pom. Ouais, c'est ta pom pom pom. Yow yow, ding ding ding yow. Long long long, yeah, she live a great yow. Yeah, long ding yow, yeah, she live a great yow. Back it out, out, back it back out, back out. Demand that all as we cow, can they see me cow? Damn, I'm looking for you, it's back on the cow. Sweet, sweet, sweet, back it up, back it up, back it up, ow, ow, ow. Yeah, this fight's going on, boom, boom, boom. Let's come and play that, boom, boom, boom. You're the beauty there, that's it, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Yeah, this fight's going on, boom, boom, boom. Viagra nous pas connaître ça. Batiman mama nous pas ta check ça. Non qui aime ça donc nous pas ta check ça. Pour pour manger manque à travailler ça. Si la baguette pour nous ça c'est l'histoire. Pour les hauts et pour ses pour ta haine ça. Ça au pied plastique et ça. Plastique et ça. Nous pour de la thune, remplacer le zion par de bitume, détruire la planète et migrer sur la lune. Mais plus on amasse et plus on veut faire fortune, et la vie rapidement se consume. La thune allume et te fume comme un béton. Rapidement tout cramé, on s'écrase comme un béton. Elle nous a à mesure, au fur et à mesure. Et pour nos descendants, mettons un bien très simple de well. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, son nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. On donne son corps et on jette son âme juste pour la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, son nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Il y en a les bâtiments où t'as les billets. Il y a d'autres moyens de toucher des billets. Même si comme une étoile, tu veux briller. Un jour tu seras le pied et les poings liés. Il y en a les bâtiments où t'as les billets. Si tu ne veux pas qu'après toi il soit des milliers. Et des milliers à t'humilier. Un jour pour de la thune tu te feras billier. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, ton nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. On donne ton corps et on fait comme juste pour la monnaie. Monnaie, monnaie, tout le monde pourra faire la monnaie. Comme à inventer ton démon, ton nom c'est la monnaie. Monnaie, monnaie, tous tes amis. Même s'ils restent sourds, ils restent tes ennemis. Boulot, un homme les avertit. Feu sur le mirage et le chanteur qui me copie. Mes ex contre les fers, alors se brûlent les bons crédits. Tous les membres et mal sont payés de trouver la santé. Car une vie vaut mieux que tes bons amis. Maillot, boulot, il détruit sa carrière. Boulot, il détruit sa carrière. Boulot, il détruit sa carrière. Détruit la carrière de quelqu'un qui n'est pas gentil. Dans la compétition, mes frères ne m'empêchent d'accomplir ma mission. Sing pédé homan, non sing pédé man. Maintenant, bah, y'a un coup de lèvre qui fait un coup de man down. Et sur la tête du king, tu peux retirer la crown. Les hauts scoutants descendent les foundations. Canadan, dana, dana, dana, man. My house, Poulo, il détruit sa carrière. Poulo, il détruit sa carrière. Poulo, il détruit sa carrière. Détruit la carrière d'un père, c'est pas gentil. Poulo, il détruit sa carrière. Maintenant j'pose une mine sur le kilowatt. Ratatatata, qu'est-ce qu'on voit, c'est fait chaque. Il me répond, j'ai déjà la contre-attaque. Tu sais, c'est vénère que j'fais mon comeback. Tous ceux qui commis sont des bons potes. Ils nous prennent pour des cons tous les jours, on s'en s'avérer. Babylone a dû penser que le peuple était naïf. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, soit qu'il pense qu'à maille. Babylone die, Babylone bye bye. Ils se croient immortels, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, soit qu'il pense qu'à maille. Babylone die, Babylone bye bye. Ils se croient immortels, on s'occupe de tes funérailles. Must die, car leur système maltraite les démunis. Must die, tout pour croire que les hommes sont tous ennemis. Must die, dans leur perpétuelle quête du profit. Tu devras rendre des comptes un jour, tu paieras le prix. Must die, car ils nous laissent croupir dans la misère. Must die, ils ne respectent pas notre terre. Must die, bientôt nous les ferons tous se taire. J'attends que Jah revienne et du malin nous libère. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le peuple, toi qui ne penses qu'à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Si tu crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Sur le feu, toi qui penses qu'à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Je crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Condamné à rester dans ses tours entassés. Comme dit Betayama, c'est dans 25 mètres carrés. Il n'y a qu'à regarder les inégalités. Comment veux-tu que les jeunes puissent voir un an état pensé? Où le délit sale gueule est encore appliqué. Pourquoi la pauvreté ne donne pas droit à du respect? En boîte de nuit refoulée, triste réalité. Ils préfèrent te voir remplir les pénitenciers. Babylone die, Babylone bye bye. Faire ça sur le feu, toi qui penses qu'à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Si tu crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Babylone die, Babylone bye bye. Arrête de faire ça sur le feu, toi qui penses qu'à la maille. Babylone die, Babylone bye bye. Si tu crois immortel, on s'occupe de tes funérailles. Les accusés dans la rue, rejouer les chers. Les entreprises sont si sans le moindre motif. Les Les politiques sont des califs à la place du calife. Ils savent qu'il y a de la misère mais ils sont inactifs. Les hommes d'affaires volent des millions, les juges restent passifs. Pour celui qui fume de la ganja, c'est pas le même tarif. Donc pour ceux qui sont pas nés du bon côté du péri, ma question se lamente mais à nous tous sur les verres. Quand je le mets dans cérémonie, dans la danse sol flow qui déclare ta bonne mounani. Sans que tes paroles blessent, même si au danse sol bouni. Tu veux de la bonne, va de la merde à cérémonie. La pure danse sol va de la salle, ça manque boni. Dans mon truck box, c'est couche de madame bruni. C'est plus au fait, bruni. Oui! Darling, j'ai que j'aime ça. Qu'est-ce qu'on parle comme ça? Qu'est-ce qu'on pense qu'à ça? Darling, j'ai que j'aime ça. Respecte plus le king. C'est que les soleils, malade à beaucoup. Bon mix

We'll be right back. Thank you.